Premier livre des Chroniques, chapitre 23. Or David étant vieux et rassasié de jours, établit Salomon son fils pour roi sur Israël. Et il assembla tous les principaux d'Israël, et les sacrificateurs, et les Lévites. Et on fit le dénombrement des Lévites, depuis l'âge de 30 ans, et au-dessus, et les mâles d'entre eux étant comptés, chacun par tête, il y eut 38 000 hommes, il y en eut d'entre eux 20 et 4 000, qui vaquaient ordinairement à l'œuvre de la maison de l'Éternel, et 6 000 qui étaient prévôts et juges. Et 4 000 portiers, et 4 autres 1 000 qui louaient l'Éternel avec des instruments, que j'ai fait, dit David, pour le louer. David les distribua aussi, selon le partage qui avait été fait des enfants de Lévi, savoir Gerson, Kehath, et Merari. Des Gersonites il y eut, Ladan, et Simi. Les enfants de Ladan furent ces trois, Jehiel le premier, puis Zotam, puis Joël. Les enfants de Simi furent ces trois, Sélomit, Aziel, et Aran. Ce sont là les chefs des pères de la famille, de Ladan. Et les enfants de Simi furent, Jahath, Ziza, Jehu, et Beria, ce sont là les 4 enfants de Simi. Et Jahath était le premier, et Ziza le second, mais Jehu et Beria n'eurent pas beaucoup d'enfants, c'est pourquoi ils furent comptés pour un seul chef de famille dans la maison de leur père. Des enfants de Kehath il y eut, Amram, Jitchar, Hébron, et Uziel, en tout 4. Les enfants d'Amram furent, Aaron et Moïse, et Aaron fut séparé lui et ses fils à toujours, pour sanctifier le lieu très saint, pour faire des encensements en la présence de l'Éternel, pour le servir, et pour bénir en son nom à toujours. Et quant à Moïse, homme de Dieu, ses enfants devaient être censés de la tribu de Lévi. Les enfants de Moïse furent Gersom et Eliézé. Des enfants de Gersom, Sébuel le premier. Et quant aux enfants d'Eliézé, Réabia fut le premier, et Eliézé n'eut point d'autres enfants, mais les enfants de Réabia multiplièrent merveilleusement. Des enfants de Jitchar, Sélomite était le premier. Les enfants d'Hébron furent Jérija le premier, Amaria le second, Jahaziel le troisième, Jekamam le quatrième. Les enfants d'Uziel furent, Mika le premier, Jizija le second. Des enfants de Merari il y eut, Mali et Musi. Les enfants de Mali furent, Éléazar et Ki. Et Éléazar mourut, et n'eut point de fils, mais des filles, et les fils de qui leurs frères les prirent pour femmes. Les enfants de Musi furent, Mali, Édé, et Jérémoth, eux trois. Ce sont là les enfants de Lévi selon les maisons de leurs pères, chefs des pères, selon leur dénombrement qui furent faits selon le nombre de leurs noms, étant comptés chacun par tête, et ils faisaient la fonction pour le service de la maison de l'Éternel, depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus. Car David dit, l'Éternel Dieu d'Israël a donné du repos à son peuple, et il a établi sa demeure dans Jérusalem pour toujours. Et même quant aux Lévites, ils n'avaient plus à porter le tabernacle, ni tous les ustensiles pour son service. C'est pourquoi dans les derniers registres de David, les enfants de Lévi furent dénombrés depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus. Car leur charge était d'assister les enfants d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, étant établis sur le parvis, et sur les chambres, et pour nettoyer toutes les choses saintes, et pour l'œuvre du service de la maison de Dieu, et pour les pains de proposition, pour la fleur de farine dont devait être fait le gâteau, et pour les beignets sans levain. Pour tout ce qui se cuit sur la plaque, pour tout ce qui est rissolé, et pour la petite et grande mesure. Et pour se présenter tous les matins et tous les soirs, afin de célébrer et louer l'Éternel, et quand on offrait tous les holocaustes qu'il fallait offrir à l'Éternel, les jours de sabbat aux nouvelles lunes, et aux fêtes solennelles, continuellement devant l'Éternel, selon le nombre qui en avait été ordonné. Et afin qu'ils fissent la garde du tabernacle d'assignation, et la garde du sanctuaire, et la garde des fils d'Aaron leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel.